On était si tranquille quand Staline et Churchill nous ont rendu notre indépendance. Mais la paix est fragile face à tous les périls et au danger le plus immense. Oui, voici que les nazis sont en France et ils ne sont pas ici pour les vacances. On guette derrière la porte le bruit de bottes. On a vu un ovni au-dessus de Roissy, la base stratégique, c'est l'Antarctique. Un commando en vélo avec sur leur maillot des gros mots en lettres fluo gothiques. Oui, voici que les nazis sont en France et ils ne sont pas ici pour les vacances. Mais par devoir de mémoire, il faut le croire. Ils se cachent n'importe où, le CRIF ça le rend fou. Rien ne vient à bout de la peste brune. Dans l'œil on reconnaît la petite croix gammée. Quand il rit le nazi, la svastika s'allume. Oui, voici que les nazis sont en France et ils ne sont pas ici pour les vacances. Elle fait peur à tout le monde, la bête immonde. Sur BFM TV, l'alerte et les données, les SS sont déjà là dans les médias. TF1 est visé de même que Arte, où on parle souvent de la Shoah. Oui, voici que les nazis sont en France et ils ne sont pas ici pour les vacances. Mengele a remis ça à Carpentras. Regarde sous le lit, y a peut-être un nazi. Si tu caches pas Himmler dans le freezer, comment on est sûr de rien? Demande à ton médecin si t'as pas chopé la tumeur du Führer. Oui, voici que les nazis sont en France et ils ne sont pas ici pour les vacances. Ils recrutent de plus belle dès la maternelle. Perker, hör die Signale. Auf zum letzten Gefecht. Die Internationale erkennt das Menschenrecht. On a tous les moyens, l'internet, les vaccins, pour immuniser la populace. Mais que faire quand l'ennemi, c'est la femme dans ton lit qui soupire, Sieg Heil, quand tu l'enlaces. Oui, voici que les nazis sont en France et ils ne sont pas ici pour les vacances. La nuit dans le brouillard à Montélimar. Oui, voici que les nazis sont en France et ils ne sont pas ici pour les vacances. France. Et ils ne sont pas ici pour les vacances.